Non mais voilà, moi je le dis tout le temps depuis des années, la novélisation de The Last Jedi, c'est une des meilleures novélisations. Bon, peut-être que c'est la seule que j'ai lue, mais quand même, c'était tellement bien, tu vois, je n'ai pas besoin d'en lire d'autres pour savoir que c'était la meilleure. Hein. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, hein, à chaque fois. Puis à chaque fois, j'attends que quelqu'un m'envoie un message en me disant oh, j'ai entendu parler de ça dans une impro de Brouhaha, dans un des épisodes du calendrier de l'Avent, et tu parlais de la novélisation de tes derniers Jedi, parce que je l'ai lu en français, hein, donc tu vois, c'est accessible, hein, je fais pas. Tu vois, je fais pas du gatekeeping. Et personne vient me voir pour me dire hey, ça m'intéresse, j'aimerais le lire, j'aimerais qu'on en discute, tu vois, genre en club lecture. En même temps, je sais même pas si je leur répondrai parce que, bon, bah. Je sais pas, je suis un peu troglodyte, tu vois, mais non, mais le livre est bien, donc ouais, lisez-le, quoi. Ouais. Vous parlez de quoi, vous? C'était crazy. Non, mais c'était quelque chose, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas les mots. Présent. Présent. Présent. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Quoi? Mais t'es là depuis quand? Qui êtes-vous, monsieur? Quoi? Mais t'es là depuis quand? Mais qui êtes-vous, monsieur? Quoi? T'es là depuis quand? Mais qui êtes-vous, monsieur? Oh! Hey, mais ils font quoi là? C'est quoi ce délire? Mais ils font quoi là? Hey, what the fuck? Qu'est-ce qu'ils font? Que quoi? Que quoi? Que quoi? Expliquez-nous! Rendez-nous Johnny! Hé, hey, c'est inadmissible! Oh non, non, non, hé! Hey, n'importe quoi! Oh! Oh! Hein. Ok, hein? Ouais, ok. Oh! Oh! Oh! Bravo! Quel homme! Bravo! Quel homme! Bravo! Quel homme! Ah bah là, faut avouer, j'y croyais pas, hein, mais maintenant. C'est ouf! Et du coup, c'est sympa le futur ou bien? Oh! Amazing! Amazing! Je suis bluffée. Est-ce que le capitalisme est mort? Allez, sauf Johnny! J'avais même pas vu qu'il était là! Ouais, vas-y, Kwame! Allez, sauf Johnny! J'avais même pas vu qu'il était là! Ouais, vas-y, Kwame! Allez, sauf Johnny! J'avais même pas vu qu'il était là! Oh! Oh! Oh! Ah mais ouais, grave! Prouvez-le vous-même! Ah mais ouais, grave! Prouvez-le vous-même! Ah oh, mais ouais, grave! Prouvez-le vous-même! Laquelle? Laquelle? Laquelle? Ah, ouais. Ah ouais. Hein? Ah, ouais. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh. Bravo, Quam! Bravo! Bravo, Quam! Bravo! Bravo, Quam! Bravo! Oh! Fuck. Ouch. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh. Fuck. Ouch. Aïe, aïe, aïe. Ouais! Ouais! Ouais! Ouais, carrément! Et puis ça permettra de tester si elle marche vraiment. Vaut mieux être prudent et laisser les autres passer, y aller en premier. Ouais, carrément. Puis ça permettra de tester si elle marche vraiment. Vaut mieux être prudent et laisser les autres y aller en premier. Ouais, carrément. Puis ça permettra de tester si elle marche vraiment. Vaut mieux être prudent et laisser les autres y aller en premier. Nice. Mais du coup, comment on va aller avec vous dans le passé pour récupérer les éléments? Il n'y a pas assez d'écouteurs. Nice. Mais du coup, comment on va aller avec vous dans le passé pour récupérer les éléments? Il n'y a pas assez d'écouteurs. Nice. Mais du coup, comment on va aller dans le passé avec vous pour récupérer les éléments? Il n'y a pas assez d'écouteurs. Ouais! Ouais! Ouais! Mardi, je pars en 1999 avec Lauren Deal et le capitaine Leto. Mardi, je pars en 1999 avec Lauren Deal et le capitaine Leto. Mardi, je pars en 1999 avec Lauren Deal et le capitaine Leto. Ah ouais, un chat. Oh, j'adore les chats, mais non, je peux pas. Oh, ça me ferait trop plaisir, François, mais oh, désolé, John. Oh. La quoi? La quoi? La quoi? Ouais!